Bienvenue sur Réunion Première, il est 10h, le journal de France Info. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Jour J comme je veux pas y aller. Les vacances sont pourtant terminées. C'est la rentrée pour 12 millions d'élèves avec plein de nouveautés cette année. Des colonnes de fumée dans le ciel de Libreville. La capitale du Gabon a connu une nuit d'émeute après la réélection du président sortant Ali Bongo. À la une également, des drones pour aider la police à surveiller les rues. Et les petits candidats à la présidentielle, rois du système D pour financer leur campagne. France Info. Allez, le stylo, le sac à dos, le bureau, les stabilos, c'est parti pour 36 semaines de cours. Les écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée aujourd'hui. Une nouvelle année avec de nouveaux programmes, un nouveau collège. Plusieurs réformes entrent en vigueur. Célia Quiret, vous êtes devant le collège Valmy à Paris. Bonjour. Bonjour Mathilde. Une rentrée particulière aussi en raison des nouvelles mesures de sécurité. Oui, effectivement, la sécurité est une priorité absolue ici au Collège Valmy qui accueille plus de 400 élèves. Les professeurs vont même en parler dès ce matin avec leurs élèves, avant tout pour les rassurer. On est tout près du Bataclan ici et des lieux d'attentat du 13 novembre. Certains élèves avaient même leurs parents dans la salle de concert le 13 novembre. Pour le principal, il faut donc montrer aux élèves que le collège est sécurisé. Il y aura donc un exercice de mise en sécurité anti-intrusion avant les vacances de la Toussaint. Éric Rubio est le principal du collège, je viens juste de le rencontrer. On a des patrouilles de police qui passent régulièrement devant l'établissement. Ça veut dire que les élèves vont devoir aussi prendre quelques bonnes habitudes comme ne pas tarder devant l'établissement quand ils sortent de cours, se disperser rapidement. Habituellement, de toute façon, on leur demande de ne pas se rassembler trop longtemps. On va leur demander avec un peu plus d'insistance. Et effectivement, il y aura des surveillants, plus de surveillants d'AED sur le trottoir devant l'établissement pour les pousser à se disperser assez vite. On ne peut pas ne pas faire allusion à ce qui s'est passé pendant l'été. Les élèves sont informés. Donc, si on veut les rassurer, il faut leur en parler d'emblée. Et on va leur dire, effectivement, que très très vite, on va être amené à faire encore des exercices de répétition. Le fait de leur en parler, justement, c'est tout à fait un élément rassurant pour eux. Et cette année, au-delà de ces mesures de sécurité, c'est la réforme du collège qui s'applique. Ici, les emplois du temps sont bouclés avec ces enseignements pratiques interdisciplinaires. Pour vous donner des exemples, les élèves de 3e vont notamment aller à Londres une journée pour découvrir un musée, étudier des œuvres. Il y aura également une semaine dédiée à l'entreprise. Et pour le principal, globalement, cette réforme n'est pas une révolution. Célia Quiret en direct du collège Valmy à Paris avec Nicolas Mathias pour les moyens techniques. Il va y avoir du nouveau à la télévision ce soir, une nouvelle chaîne baptisée France Info, comme nous, et c'est normal parce que nous en sommes partenaires. Certains de nos programmes sont diffusés sur cette chaîne, les autres sont fabriqués par France Télévisions, France 24 et l'INA. C'est une chaîne d'infos en continu, 100% service public. Vous pourrez la découvrir à partir de 20h sur le canal 27 de la TNT. Pour être sûr de la voir, je vous conseille de redémarrer votre box et vous pouvez la regarder dès maintenant sur internet sur franceinfo.fr. Le Gabon est à feu et à sang depuis l'annonce de la réélection du président Ali Bongo. À tel point que l'ambassade de France appelle ses ressortissants à éviter tout déplacement jusqu'à nouvel ordre. La situation est particulièrement dangereuse dans la capitale Libreville. L'opposition accuse Ali Bongo d'avoir triché et réclame un recomptage des bulletins dans chaque bureau de vote. Les partisans du perdant, Jean Ping, sont descendus dans la rue. Il y a eu de violents affrontements avec les forces de l'ordre hier soir. Jean Ping annonçait 3 morts dans la soirée sur son compte Twitter. Ce matin, il parle de 2 morts supplémentaires dans l'attaque de son QG. À Libreville, Sébastien Nemet. Le QG de Jean Ping aurait été attaqué à la fois par les airs avec des hélicoptères et au sol avec des bérets verts, la garde républicaine. À l'intérieur du bâtiment, beaucoup de militants de l'opposition se terraient. Paul-Marie Gondjou, commissaire de la CENAP, qui avait claqué la porte du vote final des résultats électoraux hier, se cachait avec son épouse à l'intérieur. Il a décrit les assaillants comme des militaires équipés d'armes lourdes. Il précise avoir vu des M16 et des FAMAS. Une militante cachée quelque part dans le QG murmurait au téléphone que les militaires étaient entrés dans les lieux. Elle a affirmé avoir vu des victimes avant que la ligne ne coupe. Jean Ping serait quant à lui en lieu sûr. Il a réagi à cet assaut contre sa base. C'est de la folie, une folie meurtrière venue de quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Il parle évidemment du président Ali Bongo, réélu à la tête du pays il y a quelques heures. Boris Vichit, Sébastien Nemet, Libreville. RFI pour France Info. Des incidents aussi au Brésil après la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Une manifestation pour la soutenir a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre dans le centre de Sao Paulo. Dilma Rousseff qui n'a pas dit son dernier mot. Elle va faire appel devant la Cour suprême. Il est 8h05 sur France Info. Bruno Le Maire est un énarque qui veut supprimer les nains. Oui, en ce jour de rentrée, le candidat à la primaire à droite détaille dans un entretien en Parisien ses idées en matière d'éducation. Et donc il promet de fermer cette grande école s'il est élu en 2017. Il a lui-même été étudiant à l'ENA. Il a raconté un jour qu'il s'y était ennuyé. Et puisqu'on parle de la primaire à droite, Hervé Mariton fait sa rentrée ce soir à Paris. Il fait partie des 13 candidats déclarés. Et comme les autres candidats moins exposés, il a du mal à exister, à trouver sa place entre les Juppé, Sarkozy et consorts. Les petits candidats doivent se débrouiller avec peu de moyens, Yannick Falt. Pas facile quand on n'a pas le pactole des poids lourds, 2 à 3 millions, d'autant que le parti ne donne rien. Au PS, en 2011, c'était 50 000 euros par candidat. Les concurrents moins connus doivent donc rivaliser d'imagination. Hervé Mariton a un budget de 300 000 euros et une obsession, réduire les coûts, comme cet été par exemple, pour la tournée de ses partisans en Méditerranée. Ce camping-car, je le rejoignais à partir d'une base arrière qui était tout simplement chez mes beaux-parents à côté de Grasse. Samedi qui vient, je suis à La Baule et le lendemain, je serai en Mayenne. Eh bien, un ami à moi va m'amener en Mayenne et va me loger chez lui. Hervé Mariton qui fait sa rentrée au siège du parti, aujourd'hui c'est gratuit et c'est le secret de Jacques Myard. Son budget est lui de 10 000 euros, 300 fois moins que les favoris. Soit je me réunis au local de la fédération quand il est assez grand, ça a été le cas notamment à Marseille, ça a été le cas à Lyon, soit dans un café où, en payant nos consommations, nous pouvons discuter dans une grande salle à une heure adéquate. Jacques Myard, qui reconnaît utiliser son indemnité de parlementaire pour couvrir en partie les frais, Nadine Morano, elle se rend à ses meetings avec son propre décor et son kit de campagne, formulaire de dons et de parrainage notamment, dans une valise. Levez la tête et souriez, vous êtes filmé par un drone. Ce sera peut-être bientôt le cas à Asnières dans les Hauts-de-Seine. Son maire, Les Républicains, envisage en effet d'acheter des drones équipés de caméras. Jérôme Jadot. La vidéosurveillance, Manuel Eschliman en est un fervent partisan. Une soixantaine de caméras sont installées dans les principales rues de sa ville. Efficaces, dit le maire, même si elles ont une limite. On nous signale tel petit trafic qui se fait au cœur de telle cité, tel groupe qui fait du trafic, qui se déplace de 25 mètres pour ne pas être sous la vidéoprotection de telle place ou de tel emplacement. Donc ce serait effectivement pour que les voyous, les délinquants, ne se sentent plus en sécurité nulle part. L'élu Les Républicains assure que les drones pilotés par la police municipale ne filmeraient que le domaine public, que comme les caméras statiques, ils seraient équipés de logiciels pour flouter les zones privées, type jardin. Cela ne rassure pas du tout Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. C'est une idée démesurée qui touche à une forme d'introduction de Big Brother. Enfin, peut-on imaginer des appareils qui nous survolent en permanence, nous pistent? On est dans le délire d'un élu municipal qui a déjà montré qu'il tentait de contrôler tout de la vie de ses concitoyens. Un élu qui entend soumettre son projet à l'État d'ici la fin septembre sans se cacher de vouloir susciter un débat à quelques mois de la présidentielle. Mario Balotelli, recruté par Nice, et David Luiz, qui quitte le PSG pour Chelsea. Ce sont les derniers transferts dans le football avant la fin du Mercato qui s'est terminé hier soir. Les plus anciennes traces de vie sur Terre viennent d'être découvertes au Groenland, des fossiles vieux de 3 700 millions d'années. Il s'agit en fait de bactéries compactées, ça fait des sortes de cailloux, de roches. On ne pourra pas les voir tomber d'un arbre, c'est non, ça que vous dites. Appelées stromatolites. Et jusqu'à présent, les plus vieilles se trouvaient en Australie. Elles avaient 220 millions d'années de moins. Ah bah dites donc, c'est beaucoup plus jeune. Merci beaucoup, le journal Mathilde Munoz. Et on vous retrouve tout à l'heure, juste avant 8h30. Sophie Briat pour la météo. Bonjour à tous, il est 10h08 sur la première, dans 4h. 4 heures précisément, donc il sera 14h08, ce sera l'événement, donc l'éclipse annulaire. L'événement est à vivre sur Réunion Première. Nous sommes très heureux de vous présenter cette émission spéciale éclipse annulaire, donc depuis ce site de l'étang du Gaule. C'est un village même qui a été monté ici, le village de l'éclipse. Un coup d'œil sur la météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Si on se penche un instant sur la météo de ce jeudi 1er septembre 2016, le temps est nuageux sur les pentes du nord-ouest et sur le littoral. En revanche, les régions du sud, du sud-ouest et du nord-est, il fait beau, il fait même très très beau. J'ai la confirmation en direct ici sur Réunion Première, dans ce village de l'éclipse, avec Jimmy Lorceuil de l'Observatoire des Macs, mais aussi correspondant météo pour Réunion Première. Jimmy, bonjour. Oui, bonjour Claude, je confirme. Quel temps ? Il fait beau, donc on a eu un peu peur ce matin parce que c'était nuageux, mais depuis donc ça s'est bien dégagé et ça continuera, donc surtout dans la région sud-ouest jusqu'à la pointe au sel. On attend donc une bande nuageuse, donc le moins possible, donc ça va être dégagé. Jimmy Dorsey, à 14h08, le soleil, il fera beau, il continuera de faire beau, hein. Oui, c'est ça qui donc je pense c'est ça que oui. Alors il y a du vent, donc c'est intéressant pour nous, donc ça fait partir les nuages et ça sera... Bon, donc on croise les doigts, mais on pense que c'est bon. Depuis ce site, depuis ce village de l'éclipse, depuis les temps du Gol, quand je regarde vers les montagnes, alors je pense voir le Piton des Neiges un peu couvert par les nuages. Mais oui, mais on voit quand même, donc un peu dégagé au-dessus. Un petit peu, oui. Au-dessus. On pense même au Mac, donc ils pourront peut-être voir, parce que c'est en train de bien se remonter. Et si le vent continue à souffler comme ça, donc... Même dans les hauts, donc ils pourront bien voir. Ce paquet de nuages là devant nos yeux, là, tout là-haut sur les montagnes, ça va partir selon vous ? Ça risque donc avec l'Alizé rester un petit peu, mais on pourrait observer. Donc on le souhaite, donc, en tout cas. C'était la météo de ce jeudi 1er septembre. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Près de 4000 personnes sont attendues pour vivre l'événement. Oui, c'est un bel événement à vivre sur Réunion Première. La prochaine éclipse, c'est dans plus de 150 ans. Nous y serons, donc, puisque nous avons pris rendez-vous déjà pour la prochaine éclipse. Où que vous soyez, ici, avec nous, ou chez vous, au travail, en famille, dans les hauts, au Piton des Neiges, parce qu'il y a du monde au Piton des Neiges en ce moment, à Mafate, sur la côte, à Salazy, dans le cirque de Salazy, où que vous soyez, dites-vous bien que le monde entier, à les yeux rivés sur nous. L'éclipse annulaire, c'est un moment unique dans la vie du Réunionnais. Bienvenue sur la première et juste après, je vous présenterai les invités présents ici à ce village de l'éclipse. Si j'avais su, j'aurais tout esquivé sans hésiter. Mais le manque de blé m'a poussé à tirer. Le film est fait, je ne peux qu'assumer. Maman, papa, désolé, désolé, désolé. On a cru en l'Eldorado. Les jours défilent, tout devient pénible. Le système jette de l'huile sur le feu. Et ce sont les mêmes qui se brûlent, marre de voir la maman pleurer et le daron qui se casse le dos. Les factures s'entassent et viennent de couper l'eau. La situation ne fait qu'empirer. J'suis qu'un jeune révolté. Si j'avais su, j'aurais tout esquivé sans hésiter. Mais le manque de blé m'a poussé à tirer. Le film est fait, je ne peux qu'assumer.

que j'ai intégré le monde de l'astronomie. Et vous avez tout à fait raison de dire que ce n'est pas une affaire de spécialiste uniquement. Moi, je ne suis pas spécialiste. Je suis une personne qui s'extasie devant le ciel, devant les étoiles, qui cherche un petit peu à comprendre, mais je ne suis pas du tout spécialiste, pas un astronome de métier ou quoi que ce soit. Et en fait, pour moi, et comme pour l'association, ce qui nous paraît extrêmement important, c'est de partager ce moment de convivialité qu'est une rencontre pour une éclipse. Et c'est également de permettre aux enfants et aux jeunes de lever les yeux vers le ciel et de se rappeler qu'il y a autre chose qui nous environne. Autrefois, on se déplaçait à la campagne avec la lumière de la lune. Maintenant, on a de l'éclairage partout. Donc, le ciel, on le masque un petit peu. Et ce que je trouve absolument formidable dans l'action qui a été faite à La Réunion, c'est toute cette formation des enfants par leurs enseignants, avec des explications, avec des choses très pédagogiques, mais aussi très ludiques, qui vont leur permettre d'avoir, comment dire, une formation sur l'astronomie. Mais en plus, ils vont vivre, ces enfants, quelque chose que la plupart du temps, on ne vit qu'une fois. On est tous complètement béats de voir ça et très très émus. Et la fête a commencé, on le voit bien déjà. Alors vous avez l'impression qu'on ne lève plus les yeux aussi vers le ciel, regardez, observez les étoiles, Jacques Balade. Alors oui, surtout que je viens moi de Lyon. Et que depuis la troisième ville de France, il est à peu près impossible de voir le ciel dans un rayon de 30 ou 40 kilomètres à cause de la pollution lumineuse. Bon, c'est un autre problème que celui d'aujourd'hui, puis si on avance là-dessus, ça va être trop triste. Donc on va parler de choses agréables. Et comme disent parfois les Chinois, dans le mal, il y a du bien. Et c'est parce que, justement, le ciel est très pollué, qu'on ne peut pas voir depuis chez nous, que ça nous donne envie de faire des voyages. C'est comme ça que le club d'astronomie dont je suis fondateur dans le lycée, Galaxy 2001, dans le lycée Albert Camus, au nord de Lyon, on a pris l'habitude, depuis 1986, d'aller là où les phénomènes sont visibles. Et le premier qui a été visible, c'était la comète de Halley, au-dessus de La Réunion. 1986. Alors ça a donné une couleur à notre association parce qu'on fait de l'astronomie et des voyages, ce qui nous a amené entre autres à revenir 4 fois à La Réunion. Jacques Balade, vous parliez de la Chine à l'instant, des Chinois. Mais écoutez, il y en a qui ont fait le déplacement, qui ont fait des kilomètres en avion pour être ici avec nous aujourd'hui. Jean-Claude Machir, en direct du village de l'éclipse, et vous êtes en compagnie évidemment de ces touristes chinois. Niao. Niao, dit-on. Bonjour, Laurie. Bonjour. C'est bien Niao? C'est bien prononcé? Ouais. Oui. Alors, présentez-vous et qui est avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'île de La Réunion? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Laurie. Je viens de la Chine. Et je suis assistante de Yardé Bureau en Chine. Et maintenant, nous avons tout groupe de tourisme Chine et qui est venu à La Réunion pour visiter et pour voir l'éclipse scolaire. Alors, est-ce que ça représente quelque chose pour vous, une éclipse? En tant que symbole, en tant que légende? Quoi? Est-ce qu'on a peur de l'éclipse en Chine? Maintenant, pas du tout. On aime voir l'éclipse. Ouais, c'est rare pour nous aussi. Ouais. Merci à vous en tout cas, Laurie. Alors, ils sont une trentaine environ, comme il vous le disait, Laurie. Il y a beaucoup de monde qui sont venus ici pour voir cette éclipse. Il y a des photographes. Alors, ils représentent aussi un site. Quel est le nom de ce site? Quoi? Le site pour lequel vous travaillez, le site des journalistes? Le site de Weibo. Weibo, ça veut dire de Twitter en Chine. Ouais. On a invité plusieurs personnes qui sont très, très connues en Weibo. Et pour visiter La Réunion et voir l'éclipse. Et après, il va mettre des textos et les très belles photos sur Weibo pour promouvoir La Réunion en Chine. La promotion de La Réunion. Voilà, vous l'aurez compris. Merci beaucoup, Laurie. Voilà, vous l'aurez compris, la promotion de La Réunion passe par la Chine. Ils sont là avec nous aujourd'hui, ils sont là tout au long de la journée. Merci Jean-Claude, on vous retrouve tout au long de la matinée avec nous ici au village de l'éclipse à l'étang du Gaulle. Alors le standard de la première au 02 62 99 2000, il est ouvert ce standard. Mathias est là, il vous accueille au téléphone. Il y a des petites questions qu'on vous pose ce matin, c'est que où serez-vous tout à l'heure à 14h08, voire un peu avant, est-ce que vous serez dans la famille, est-ce que vous serez au travail, comment vous êtes en train de préparer cet événement? Donc, donc cette éclipse annulaire. 02 62 99 2000 et vous pouvez aussi laisser des réactions par SMS au 06 92 70 2000. Jimmy Dorseuil, animateur à l'Observatoire des Macs. C'est un événement vraiment dans la vie du Réunionnais et on se dit que le prochain, allez, c'est dans plus de 150 ans. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le rater. Et qu'on y sera. Et qu'on y sera. Donc on a pris rendez-vous même en 2200 pour la première, donc l'éclipse totale et annulaire, et 2267 pour l'éclipse totale. Donc on sera là pour les deux. Carole Opé, vous étiez en 2013 en Australie. Absolument. Vous chassez les éclipses en fait? Alors très modestement, parce qu'il y a des gens qui ont déjà vu 23 éclipses, qui sont tombés dedans quand ils étaient enfants. Mais ceci étant, effectivement, quand on y a goûté, on a envie de voir les nouvelles éclipses et c'est un prétexte formidable pour voyager dans le monde. Et vous serez en 2017 aux États-Unis. Absolument, c'est déjà voilà. Prévu depuis un an déjà. J'ai le calendrier de 2016 à 2031 préparé par Jimmy Dorseuil en 2017. Alors j'ai la date, c'est le 21 août 2017. Vous serez aux États-Unis pour une éclipse totale. Nous y serons. Également avec les amis de l'île de la Réunion qui se sont inscrits finalement à un voyage organisé par l'Association française d'astronomie que je représente aujourd'hui. Jacques Balade, vous êtes formateur en astronomie, donc on y vient facilement l'astronomie. Est-ce que vous sentez des jeunes attirés de plus en plus comme ça par l'astronomie? De plus en plus, franchement. De plus en plus, pas forcément, mais toujours, oui. Ils ont toujours été... C'est une science dans laquelle, qui est très difficile à son extrémité, côté recherche fondamentale, etc. Mais c'est aussi une science qui est immédiatement passionnante. Il suffit de passer une nuit dehors, même sans instrument, mais sous un ciel bien noir, comme celui dont on bénéficie en particulier à La Réunion, pour pouvoir observer des choses qui tout de suite interrogent. Je crois que c'est Aristote qui disait que la science commence avec l'étonnement. Eh bien, dès qu'on est assis dans l'herbe, les yeux en l'air, on se dit, mais celle-là, pourquoi elle est plus brillante qu'une autre? T'as vu, il y en a une qui a pas la même couleur. Puis soudain, il y a une étoile filante. Alors on demande ce qu'est une étoile filante. Et ça y est, on est en train de faire de la science. Sans tableau noir, sans calculette, sans rien. Et après, l'envie vient d'aller plus loin. Voilà, Jimmy Dorseuil. Je reprends ce que disait Jacques, c'est exactement ça. Et à l'observatoire, on le voit avec les élèves. Et ça donne des envies de venir, parce qu'on a des élèves qui étaient venus il y a 3 ou 4 ans, en 3e, qui a apprécié et qui aujourd'hui fait partie de l'association et qui était avec nous. C'est-à-dire, quelque part, c'est très bien. Donc, on les a donc touchés et la passion est... Ils sont là pour nous aider aux soirées publiques. Donc ça, c'est magnifique. Réunion Première vous donne la parole au 02 62 99 2000. Dites-nous où vous serez à 14h08, s'il vous plaît. Est-ce que vous serez en famille? Est-ce que vous serez au travail? Est-ce que vous serez au Piton des Neiges? Dans le cirque de Mafate? Vous serez peut-être dans le cirque de Salazie? Dites-nous, 02 62 99 2000. On revient juste après Police, évidemment, pour la musique, avec nos invités, Carole Opé, Jacques Balade et Jimmy Dorseuil. Et puis Jean-Claude Mechia qui se balade, évidemment, dans ce village de l'éclipse avec Réunion Première. Thank you. Réunion Première, la plus grande couverture FM de l'île. À Saint-Pierre, 90.7. Saint-Louis, 87.8. Saint-Joseph, 89.5. Mafate, 89.2. Merci de votre fidélité et retrouvez la liste des fréquences sur notre site internet réunion.lapremière.fr. Où serez-vous à 14h08, voire un petit peu avant? Est-ce que vous serez en famille, au travail? Est-ce que vous serez à la maison? Nous avons Michel de la Ravine des Cabris, pas très loin de l'étang du Gol, pas très loin du village de l'Éclipse. Et vous avez préféré, vous avez fait le choix de rester chez vous, Michel. Bonjour. Oui, bonjour, oui. Oui. Bon, ben, je suis pas loin. Mmh. C'est vous n'êtes pas très loin. La Ravine des Cabris, là, on verra bien l'affaire, je pense. Pas de problème. Alors, vous serez où à 14h08? Chez vous, à la maison? Oui, oui, oui, sur le chemin de la concession. Et vous avez vécu l'autre, enfin l'éclipse d'avant, c'est ça? C'était en oui, quelle année? Oui, j'ai vécu ça dans les années 70-75, mais je ne me souviens plus quelle année exactement. Mais je me souviens, 70-75. Je me souviens que c'était en saison sèche, là-bas. 70-75, donc c'était oui. Une éclipse totale aussi. Et bon, on n'avait pas les lunettes, je ne me rappelle pas de toute façon de, si on avait des lunettes pour regarder, mais je vais surtout regarder la nature et puis les animaux, les gens qui étaient autour de moi, parce que j'étais dans la ville de Coupéla. À ce moment-là, c'était la route Volta, bien sûr. Et quand c'est arrivé, bon, bah, l'ombre arrivait petit à petit. Et les poules qui étaient dans les environs, je vais regarder, dandiner de la tête pour regarder ce qui se passait, se demander ce qui se passait, bien sûr. Et puis à un moment donné, elles sont parties pour se mettre à l'abri, quoi, rentrer. Et au moment de la... Il faisait vraiment au moment de l'éclipse même, de l'anneau de l'éclipse, il faisait vraiment presque nuit, quoi, pratiquement. Et je savais, j'étais quand même prévenu à l'avance, mais on n'avait pas des lunettes à cette époque-là. Hein. Et les gens, les habitants de la ville, ils avaient pris les casseroles, les gamelles, ça, pour taper dessus avec des bâtons, bien avec des louches ou des trucs comme ça. Et ils voulaient chasser le chat qui mangeait la souris, ils appelaient ça, eux, là-bas. Alors, cette histoire que dans les années 70, et là je m'adresse à Carole Hoppé, mais aussi à Jacques Ballade et Jimmy Dorseuil qui sont avec nous, c'était dans ces années-là, il n'y avait pas des lunettes spéciales? On n'avait pas Jimmy Dorseuil? Non, je ne pense là. Pas. Donc c'était encore à l'époque où on prenait les radios. Donc et qui aujourd'hui n'est pas, on sait que c'est pas bon. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est 1971 qui est 71-72 qui est une éclipse. Ça devait pas être une éclipse. Bon, il a dit entre 1970-75, il n'avait voilà, pas la date précise. Oui. Donc, ouais, donc ça, voilà. C'était pas une éclipse totale. Total. Ça doit être presque, mais ça doit être partiel. Ouais. Mais la totale, on montre en 1901. Donc on a eu une éclipse totale à la Réunion. Donc on a dû certainement prendre soit des feuilles de radio, soit fumer une vitre, donc avec toutes les conséquences qui auraient pu être néfastes pour les yeux à ce moment-là. Quoi. Michel, merci beaucoup pour la réaction. Et puis écoutez, n'oubliez pas de mettre les lunettes hein, à 14h08, même un petit peu avant, mais on va vous expliquer tout ça tout à l'heure avec Jimmy Dorseuil et puis aussi avec mes experts sur Réunion Première. Merci Michel. Oui, d'accord. Allez, bonne journée. Bonne chance. À très bientôt. Le standard de la première est ouvert. Où vous serez à 14h08, c'est à vous de réagir évidemment. Et nous allons retrouver tout de suite la directrice de l'Office de tourisme de l'Ouest. C'est Nadira Malek Bertrand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que vous organisez aujourd'hui dans un petit peu moins d'une heure un événement aussi du côté de Trois-Bassins. C'est tout ce qui entoure un petit peu cette histoire de mythes, de légendes autour de l'éclipse. Oui, tout à fait. Donc l'Office de tourisme de l'Ouest organise aujourd'hui une observation de l'éclipse sur la pointe de Trois-Bassins, donc sur un site absolument magnifique. Et donc nous faisons un partenariat avec Sciences Réunion qui vont intervenir sur le plan scientifique, hein, puisqu'il y a un certain nombre d'ateliers qui sont prévus pour comprendre le phénomène de l'éclipse, avec des rappels bien sûr astronomiques sur le déplacement des astres, les distances entre la Lune, etc. Et puis nous allons aborder également un petit peu toutes les interprétations mythologiques des éclipses hein, qui ont été interprétées par les diverses civilisations au temps de l'Antiquité. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Quelle est l'histoire, vraiment la légende qui revient très souvent lorsqu'il s'agit de parler d'éclipse? Franchement, dites-nous, quelle est la petite histoire qui revient très souvent? Bah écoutez, justement, nous allons aborder un petit peu ces interprétations mythologiques. C'est vrai qu'en général, les éclipses effrayaient, hein, les civilisations antiques. Les gens avaient en général peur de ces phénomènes d'éclipse, puisqu'ils avaient peur que le soleil disparaisse à tout jamais. Donc il y a différentes interprétations, hein, différentes civilisations, si bien en Égypte qu'en Amazonie, chez les Incas, chez les Mayas, mais aussi des interprétations aussi en Afrique, donc au niveau de la mythologie africaine. Donc ce sont des petits points que nous allons aborder, puisque chacun a son histoire, a sa mythologie, avec des interprétations différentes de la lutte du soleil avec des forces obscures, le mal, etc. Et souvent associés vraiment à des monstres. Par exemple, en Égypte, la lutte du soleil c'était vraiment associé à un monstre lié au serpent. Donc et puis chez les Mayas, c'était plus souvent c'était des animaux, hein, puisque chez les Mayas c'était plus le jaguar qui était associé, donc le jaguar qui mangeait le soleil, et chez les Incas c'était plus le puma. Donc à chaque fois associé à des animaux, et c'est vrai que nous allons un petit peu aborder ces sujets-là, ces sujets un peu mythiques. Naës, ce sont des histoires passionnantes. Carole Opé, qui est avec moi ici dans ce village de l'éclipse, elle fait partie de l'Association française d'astronomie, elle souhaite réagir. Allez-y. Oui, ce que disait madame est tout à fait exact et très très très intéressant. Nous sommes passionnés par l'histoire qui touche à l'astronomie. Et pour dire que ce n'est vraiment pas une question de spécialiste, l'astronomie, oui, j'en veux pour preuve l'album de Tintin, ça doit être le Temple du Soleil, qui est beaucoup plus récent que toutes ces, que cette histoire que nous racontons, et qui est très intéressante aussi, parce qu'elle montre comment les hommes ont pu passer de réflexion d'hommes qui ont levé les yeux vers le ciel, qui se sont dit, voilà un grand espace bleu. Et puis, il y a des petits points brillants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un grand espace dans lequel on a fait des trous, ou est-ce que c'est l'inverse? Et il y a des gens qui ont commencé par ce genre de questions. Et on est arrivé maintenant à envoyer donc un satellite sur atterrir sur une météorite, ce qu'on n'aurait jamais... Enfin, sur un météore, pardon. Ce qu'on n'aurait jamais... Donc imaginez, il y a des centaines d'années. Ça vous fait réagir aussi, Jacques Valade, sur ce que disait tout à l'heure notre invité par téléphone, Nadira Malek Bertrand, directrice de l'Office de tourisme de l'Ouest. Oui, je retrouve... Ces mythes, ces légendes qui entourent un peu l'éclipse. C'est ça, des mythes et des légendes, comme je vous disais tout à l'heure, sans être chasseur d'éclipse par principe. Mais bon, quand on a une association comme ça et qu'il se passe un phénomène ailleurs dans le monde, on y va. Donc il y a comme ça les éclipses ou des ou un ciel qui n'y a pas chez nous. Par exemple, venant de Lyon, on ne connaît pas le ciel austral, donc c'est passionnant de redécouvrir un nouveau ciel. Et donc, à travers tous les voyages qu'on peut faire comme ça, bah, évidemment, on va rencontrer d'autres civilisations et leurs mythes et découvrir des histoires complètement invraisemblables. Et votre auditrice, tout à l'heure, a parlé des Mayas, des Incas. Je me souviens, quand nous avons observé l'éclipse du mois de juillet 91 au Mexique, donc, on avait découvert au musée de Mexico la légende de la création du monde par les Aztèques. Qui est une légende de la création du monde. Hein. Oui, de la création du monde. L'équivalent du Big Bang pour nous. Et qu'est-ce que ça raconte? Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est très long. En fait, les dieux, ils étaient 999, paraît-il, avaient essayé de trouver quelqu'un pour créer le monde. Alors, il y en a plusieurs qui se sont présentés. Je ne me souviens plus tous de leur nom. Il y a Huitzilopochtli, etc. Et puis, ils ont tous échoué parce que l'un avait fait un dieu du feu qui a trop brûlé. L'autre, c'était Tlaloc, le dieu de la pluie. Il a tout inondé. Enfin, ils ont tout raté. Et à la fin, ils ont décidé de faire un concours. Ce concours, ça peut rappeler des choses aux gens de La Réunion. Ce concours, c'était de marcher dans le feu. Et alors, il y en a un qui s'est précipité dans le feu, qui était Tekosis Tekatl. Et Tekosis Tekatl a dit moi je vais le faire, vous allez voir ce que vous allez voir, je peux le faire. En et clair, puis, on lui a lancé un défi. Voilà. Il a dit je peux le faire, mais je ne le faisais pas. Ouais. Et là, il y a un petit dieu secondaire qui s'appelait Nanawatsin, qui était un nain laid que personne n'appréciait, qui lui a eu le courage d'aller dans le feu. Et arrivé au milieu du feu, il s'est envolé, il est monté dans le ciel et ça a été le soleil. À ce moment-là, Tekosis Tekatl s'est précipité pour dire « Non, moi aussi, je peux, il y est allé. » Mais il n'était que deuxième. Mais bon, il était quand même allé dans le feu. Du coup, Nanawatsin est devenu le dieu du soleil. Tekosis Tekatl est devenu le dieu de la lune. Mais ils se détestent mutuellement. Mais les deux vont se rencontrer tout à l'heure. Et voilà. Et justement, c'est pour ça, c'est parce qu'ils se détestent que de temps en temps, Tekosis Tekatl se venge et cache Nanawatsin. Mais ça ne dure pas longtemps parce que Nanawatsin est le plus fort. Quelle belle histoire. Nadira Malek Bertrand, directrice de l'Office de Tourisme de l'Ouest. Vous connaissez cette histoire, cette légende de la création du monde ? Je l'apprends. C'est vrai qu'il y a tellement de légendes et de mythes autour des éclipses. Hein. C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment d'explication rationnelle et scientifique de ces phénomènes astronomiques. Et c'est toujours effectivement très intéressant et passionnant de découvrir les différentes interprétations de ces civilisations antiques qui se passaient il y a des milliers d'années. Alors vous serez où à 14h08? Alors nous serons du côté de la pointe de Trois-Bassins. Voilà, je suis sur le site. Il fait un temps magnifique, il fait très très beau. On a une mer absolument bleue, très très belle. Et je pense que l'observation sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc nous serons une centaine. Nous attendons le public aux alentours de 11h30 sur le site de Trois-Bassins. Donc nous avons prévu un programme, vraiment un déroulé, un déjeuner également. Donc nous avons hâte d'être de commencer cette éclipse. Merci Nadira Malek Bertrand, directrice de l'Office de Tourisme de l'Ouest. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis à très bientôt sur Réunion Première. Merci. Mais alors on a vraiment adoré l'histoire, cette légende Jacques Balade. Alors tu sais qu'il y a cette rencontre avec la lune et le soleil. Il y a même une petite suite. Alors j'en suis moins sûr. Mais c'est que dans leur conflit, cela aurait abouti à ce que les dieux jettent à la face de la lune, lui jettent un lapin, qui était une façon de, comme on jette un gant pour faire un défi ou qu'on met une claque, hein, on lui aurait jeté un lapin pour lui dire t'es minable, tu y es allé que plus tard. Et c'est pour ça que depuis l'hémisphère sud, à La Réunion en particulier, les mers, enfin les régions grises qu'on aperçoit sur la Lune, hein, même l'œil nu, dessinent un lapin. Carole Lopé, ces légendes, ces histoires, on ne peut pas y échapper de toute façon. Non, et ça nous fait toujours rêver, et ça nous fait... Ça nous montre, ça nous traduit à chaque fois la créativité et l'intelligence des êtres humains au fil des générations, au fil des pays, puisque effectivement d'un pays à l'autre on a des légendes différentes et c'est magique. Jimmy Dorsey de l'Observatoire des Bacs, ces légendes, ces mythes autour de l'éclipse, alors est-ce qu'il y en a ici sur l'île de La Réunion? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a des légendes à nous, propres à nous? On connaît la légende de Grand Mercal. Oui, etc. Mais après je sais pas. Concernant autour de l'éclipse. Je ne sais pas vraiment, je sais par exemple qu'aujourd'hui on a vu que les temples hindous vont être fermés parce que pour eux donc ça ramène moins d'énergie et il ne faut pas donc sortir. Je sais même moi donc les personnes âgées donc avaient peur parce que moi j'ai encore ma grand-mère qui disait qu'elle ne regardera pas parce que c'est noir, c'est le diable, c'est tout ça. Donc il y avait encore ça à une certaine époque, mais bon je pense que aujourd'hui bon j'ai essayé de même à ma mère, hein, de lui dire, il faut que tu regardes. Hein, aujourd'hui, donc ses lunettes sont prêtes donc, pour pouvoir observer. Il y a quand même un côté obscur, cette image du bien, du mal, Jacques Balade. C'est ça, le mal, le bien. Mais tout à l'heure, les deux vont se rencontrer. Ce qui est assez amusant, c'est de voir comment dans une civilisation, alors on va dire scientifique, hein, une civilisation moderne, les scientifiques sont assez à l'abri de croyances un peu folles, mais pour la plupart des gens, on veut bien croire les scientifiques parce que ce qu'ils font est efficace. Ils font des voitures qui marchent, des téléphones qui fonctionnent, etc. Donc la science, c'est bien. Mais il y a toujours un vieux fond comme quoi on ne sait jamais. Et on pourrait avoir peur quand même. Il est 11h15 sur la première. Jean-Claude Machir est en direct au village de l'Éclipse. Et vous êtes en compagnie de Fabrice Boyer du Parc National de la Réunion, Jean-Claude. Oui, le Parc National de la Réunion qui est là. Alors j'ai Fabrice Boyer et Yannick qui sont là respectivement, qui vous attendent ici lorsque vous venez sur ce site. Bonjour messieurs, quel est votre rôle ici sur le parc et quel lien avec l'Éclipse? Fabrice, vous commencez? Oui, bonjour à tous. En fait, on est là pour accueillir le public et puis pour faire attendre, faire patienter au niveau de l'Éclipse, pour faire des lectures de paysages. Et notamment, on a la lecture sur les pitons, cirques et remparts de la Réunion qui sont inscrits au patrimoine mondial. Donc, on fait patienter le public avec les lectures de paysages et des lunettes. Et vous, alors Yannick, vous allez leur enseigner quoi? Justement, bonjour. Moi, je m'occupe de la partie lecture de paysages. Donc, on a mis à disposition deux longues vues au public. Et donc ils vont pouvoir observer si les nuages ne se développent pas trop, mais là ça a l'air d'aller, pour observer les différents reliefs hein, et puis la plaine du Gol avec ses plaines de Cannes et puis la plaine des Macs. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur le relief qui est en face de nous? Alors le relief qui est en face de nous, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est la forme générale. On voit bien que la forme de planète, c'est-à-dire des pentes douces de 10-12 degrés, qui en fait reconstitue la forme du volcan bouclier originel qui a constitué l'île de la Réunion. Voilà, bien, c'est intéressant de venir ici sur le parc national. Merci messieurs. Et vous avez une légende, vous dites que vous n'avez pas peur de l'éclipse tous les deux? Non, ça va, ça se passe bien pour vous? Ah si, on a un peu peur là, donc on se rassure les uns les autres, mais on va s'occuper des gens aussi pour... Voilà, merci messieurs. Claude, eh bien, je continue mes balades. Merci le Parc National. Il y a aussi la CEO qui est liée. Il y a beaucoup de stands. Alors venez vers ces stands, vous renseigner. On parle du pétrel de Barreau tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes qui sont là pour venir voir cette éclipse. Le standard de la première est évidemment à votre disposition. 02 62 99 2000. On est sur cette émission spéciale pour cette éclipse annulaire parce que ça arrive... Bah écoutez, presque tous les 200 ans, d'après ce que j'ai compris, donc c'est vraiment l'événement ici à Saint-Louis, à l'étang du Gol, dans ce village où 4000 personnes sont attendues. Une émission spéciale avec des experts, des passionnés, des chasseurs d'éclipses, et on vient vous retrouver dans quelques minutes sur la première au standard, évidemment. Your eyes kill me on sight. Your touch paralyzes me. And I can feel my body, I can feel my body anymore. Travels in my veins so fast. I feel my heart beating, exploding. I'm out of my mind. I need a love in your eyes. girl. I need a love again. Before your love burns me out, burns me all. I need a love again. Before your love burns me out, burns me all. Réunion première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion première. Où serez-vous à 14h08? Est-ce que vous serez au Piton des Neiges? Est-ce que vous serez dans le Cirque de Mafat? Ou vous serez pour cet événement, l'éclipse annulaire? L'événement est à vivre sur la première. Chloé, vous êtes à Saint-Denis, donc à la Technopole. Bonjour Claude, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Chloé. Vous avez donc des messages qui arrivent par SMS. Alors, premier message arrivé au 06 92 70 2000. Une question d'un auditeur qui demande ceci. Bonjour, puis-je observer l'éclipse avec des lunettes spéciales étant suivi pour un glaucome et un assèchement de l'œil droit? Impossible pour cet auditeur de joindre son ophtalmo, donc il demande est-ce qu'il pourrait voir, il pourra voir cette éclipse cet après-midi étant suivi pour un glaucome et un assèchement de son œil droit. Alors ça c'est vrai, c'est des petites complications ou des complications santé au niveau des yeux, Jimmy Dorseuil. C'est vrai que la question de notre auditeur donc, qui parle donc, alors, des, si, voilà, s'il peut absolument de pas ses, observer, de ses problèmes à l'œil, oui. Ouais, s'il ne peut pas observer directement avec une lunette, il peut faire d'autres formes d'observation. Il peut prendre un carton, faire des petits trous dedans et mettre un écran de l'autre côté, donc projeter l'image et observer à ce moment-là d'une autre manière. Et là, il n'y aura aucun problème pour ses yeux, donc il pourra l'observer. Carole Lopé, Jacques Balade, vous pouvez intervenir évidemment. Et puis alors Chloé, notre auditeur au téléphone. Nous avons Jean-Pierre de la Montagne au téléphone en direct sur Réunion Première au 0262 99 2000. Jean-Pierre de la Montagne, bonjour. Oui, bonjour. Donc je vais casser un petit peu l'ambiance au niveau des légendes. C'est juste une question, c'est toujours concernant les lunettes. Je voudrais savoir si c'est possible de regarder avec un masque à souder. Alors ça, oui, Jean-Pierre, merci d'être avec nous sur la première, merci d'être présent, et vous nous direz tout à l'heure où vous serez à 14h08, mais alors cette histoire de casque à souder, de lunettes à souder, de lunettes de soudeur, Jacques Balade, vous êtes formateur en astronomie, pour répondre à Jean-Pierre. Oui, alors la réponse dépend du fait que vous connaissez ou non le grade du verre de soudeur. Les verres de soudeur, selon le travail que fait le soudeur, sont plus ou moins transparents. Il faut du grade, au moins du grade 14 ou 15. Au-delà, vous verriez rien. Si vous prenez du 12 ou du 13, il passera trop de lumière. Mais si vous êtes sûr que... Normalement, d'après les législations qui ont lieu au moins en métropole, ils doivent être gravés dessus. Donc si vous avez un verre de soudeur grade 14 ou 15, vous pouvez y aller sans aucun souci. Carole Lopé, pour répondre à Jean-Pierre. Ce que Jacques vient de dire est tout à fait exact, bien sûr. Moi, de façon générale, j'aurais tendance à conseiller d'utiliser les lunettes spéciales Eclipse qui sont faites pour. Il n'y a pas de possibilité de se tromper ou d'avoir un accident, excepté si on a endommagé le filtre qui se trouve sur les lunettes, auquel cas on jette les lunettes, on ne regarde pas avec des lunettes endommagées. Mais les lunettes, elles, assurent la bonne protection, elles sont faites pour et elles ont été contrôlées, donc il n'y a pas de souci. Jean-Pierre, on a répondu à votre question. Oui, tout à fait. Bon, ben, j'ai pas plus le temps. Bon, toujours un peu speed hein, de chercher des lunettes et compagnie. Donc, on va faire avec sans masque. On va laisser finir la journée pour pouvoir reprendre le quotidien, quoi, je dirais. Voilà. Alors, attendez, parce que là, c'est. Vous êtes en train de nous dire qu'à 14h08, le fait que vous n'avez pas de lunettes, c'est ça? Ouais. Vous n'allez pas observer l'événement? Bah non, je vais faire quoi. De toute façon, à 14h, je suis sur Saint-Denis, du côté de Sainte-Marie, donc je pense pas qu'on va pouvoir voir quelque chose de notre côté. Voilà, bah donc c'est pas ça qui va faire arrêter la tête tournée, quoi, je vous dirais. Voilà, c'était juste pour une question simple. Jimmy Dorseuil, de l'Observatoire des marques, pour répondre à Jean-Pierre. Je n'ai pas tout à fait tout entendu, mais à Sainte-Marie, vous le verrez aussi, donc c'est sûr que vous n'aurez pas l'annulaire complète, donc ce sera une partielle, mais vous pourrez observer d'une autre manière. Donc comme je vous l'ai dit, donc, tous les autres façons de le faire, donc projeter l'image, donc avec des petits trous dans un carton. Vous pouvez même prendre une passoire, donc les petites images qui vont être retransmises dessus, vous pouvez voir. Regardez aussi à travers des arbres. Donc il y a d'autres moyens, si vous n'avez pas de lunettes, pour pouvoir observer le phénomène. Carole Opé. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a un moyen simple aussi, c'est qu'on ne va pas rester pendant 3 ou 4 heures la tête levée en se faisant mal au cou. Puisque c'est une position qui n'est pas très confortable. Bien sûr, oui. Donc on peut très bien aussi, je pense que vu l'ambiance de fête et de convivialité, de partage que représente une éclipse partout dans le monde, eh bien quand quelqu'un n'a pas de lunettes, on a tendance à lui proposer de regarder avec les nôtres et on échange puisque le temps... Et le partage. Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci à vous. À vous et bonne très bientôt. Et bonne fête, je dirais. Voilà, ça remplace avant Noël. Merci. Mais vous avez raison, parce que c'est une fête, Jimmy Dorseuil. Et oui, c'est une fête. C'est un rassemblement de voilà. Passionnés, de spécialistes. C'est un rassemblement pour les Réunionnais aussi, d'être présent, d'être tout autour de l'île. Bien sûr. Hein. Bah, j'invite l'auditeur à se rapprocher de ses amis, qui certainement doit avoir des lunettes, et passer les lunettes à regarder quand même. Donc, que vous ne passez pas à côté de cet événement, car... je ne pense pas, ou sinon on se donne rendez-vous avec vous dans 200 ans. Alors, Carole Opé, beaucoup se disent, mais alors parfois c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, parce que c'est juste la Lune qui rencontre le Soleil. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Allez, même si ça arrive tous les 150 ans, tous les 160 ans, mais pourquoi faire tout un plein avec ça? Eh bien, d'une part, il y a l'aspect scientifique, et puis le spectacle grandiose que nous offre l'univers. Et puis, ben, je vais donner un exemple très très personnel. La première éclipse que j'ai vue était une éclipse totale. Et au moment de la totalité, donc là on va la voir partielle, mais la lumière va baisser un peu quand même. Et donc on a un spectacle grandiose qui s'annonce à nous. Mais cette première éclipse, les bras m'en sont tombés et je me suis mise à pleurer. C'est quelque chose qui vient du fond de nous-mêmes, peut-être du fond des âges, peut-être de l'émotion, des larmes sont venues. De l'émotion à l'état pur. Cette rencontre entre la Lune et le Soleil. Absolument. Je voudrais dire que quand on disait tout à l'heure ça se reproduit tous les 150 ans, c'est pas tout à fait vrai. C'est pour nous ici. Voilà, pour nous. Donc, pour nous. Mais les éclipses, donc il y en a deux à chaque fois tous les ans, et même on peut en arriver à 7, comme je disais ce matin. Donc là, c'est pour nous à La Réunion que ça se reproduira que dans 150 ans. Jacques Balade. Alors, tout en étant tout à fait d'accord avec mes deux camarades, il faut aussi insister sur l'aspect scientifique et utile des éclipses. Pour le grand public, c'est ce que disait Carole, c'est une émotion qu'on maîtrise pas, on se demande pourquoi, c'est peut-être notre cerveau reptilien, nos plus anciennes racines avec le reste du monde vivant qui fait que même si on sait en bon scientifique d'où ça vient et comment ça se calcule, l'émotion est là de façon aussi forte pour le scientifique que pour le citoyen normal. Sur un plan scientifique, c'est important parce que les éclipses totales, pas les annulaires. Alors je vais dire un truc un peu triste, quoi. Enfin, pour un scientifique, une annulaire, c'est une totale ratée, quoi. C'est une éclipse qu'on aurait bien voulu voir totale, mais il en manque un petit bout, alors c'est un peu frustrant. Mais les éclipses totales sont la seule occasion qu'ont eu pendant des dizaines d'années, pendant des siècles, les astronomes d'étudier l'atmosphère du Soleil. L'atmosphère du Soleil, on la voit pas en temps normal parce qu'on est ébloui par le disque lumineux du Soleil, que les astronomes appellent la photosphère, et puis par le ciel bleu qui est éclairé, donc on la voit pas. Et les astronomes n'ont eu comme ça que deux fois par an, deux, trois fois par an au maximum, quelques secondes ou quelques minutes pour savoir ce qu'il y avait dans l'atmosphère du Soleil. C'est comme ça, par exemple, que Janssen, en 1870, je crois, a découvert l'hélium. Qu'on a découvert dans l'atmosphère du Soleil, alors qu'on ne le connaissait pas encore sur Terre. L'événement, l'éclipse annulaire est à vivre sur Réunion Première. On revient juste après l'info, puisqu'il est 11h sur Réunion Première. Antoine Garnier, bonjour. Et bonjour Claude et bonjour à tous. C'est dans 1h22 que la Lune et le Soleil commenceront à s'aligner pour l'événement. Réunion Première met ses antennes à l'heure de l'éclipse du Soleil. Vous l'entendez depuis tout à l'heure avec Claude Montanel. L'éclipse annulaire est à suivre en direct en radio, mais aussi en télé et sur Internet. Nous irons prendre la température au Gol à Saint-Louis dans le journal de midi à quelques minutes du début de cette éclipse. Pour regarder l'éclipse, vous devez porter des lunettes, on vous l'a dit, des lunettes spéciales afin d'éviter des dommages irréversibles sur la vue. Des dizaines de milliers de paires ont été vendues ou offertes dans l'île ces dernières semaines, mais ce matin, à quelques heures de l'événement, certains réunionnais étaient encore à la recherche d'une paire de lunettes pour regarder l'éclipse, et à l'heure qu'il n'est pas facile de s'en procurer dans les magasins, Mélodie Nourry est allée le vérifier, nous l'entendrons à midi. Des scientifiques du monde entier ont fait le déplacement dans notre île pour observer cette éclipse. L'événement est exceptionnel. Parmi eux, deux Néerlandais se sont installés à l'observatoire des MAC pour réaliser une expérience un peu spéciale. On en reparle tout à l'heure. À événement exceptionnel, émission exceptionnelle. Tout à l'heure, après le journal, C'est dans l'actu sera décentralisé au village à éclipse du Gol, là où vous vous trouvez, Claude Montanet, à Saint-Louis. Et vous vivrez en direct le premier contact entre la Lune et le Soleil, le début d'une courte nuit en pleine journée, un moment magique que Réunion Première vous fera partager au milieu des 4000 visiteurs attendus. Certains sont déjà là, avec une invitée en fil rouge, Claudie Waro, la responsable pédagogique de l'Observatoire astronomique des MAC. Vos questions et vos réactions, ce sera au 026 299 2000, par SMS au 06 192 70 2000. Vous pourrez également intervenir sur les réseaux sociaux avec le hashtag CDLA Première et la page Facebook de l'émission C'est dans l'actu. Dans le reste de l'actualité, un avis aux automobilistes, le radar fixe sur la Nationale 3 à la confiance à Saint-Benoît contrôle désormais la vitesse des véhicules dans les deux sens de circulation. La vitesse maximale à cet endroit reste à 50 km/h. Un panneau annonce désormais la présence du radar dans chaque sens de circulation. Cette nouvelle mesure est entrée en vigueur ce matin. Et puis en football, c'est la rentrée de l'équipe de France avec un match amical ce soir avant de rencontrer la Biélorussie dans quelques jours dans les matchs éliminatoires pour le prochain mondial. En match amical, la France qui rencontre l'Italie, la Squadra Azzurra, et ce sera à partir de 23h un match à suivre sur Réunion Première. Il est 11h03, avant de repartir au Gol à Saint-Louis, on fait un tour de l'actualité nationale et internationale avec France Info. Un homme tué par balle à Marignane dans les Bouches-du-Rhône cette nuit. Information de France Bleu Provence. La victime, âgée de 35 ans, a été prise pour cible dans sa voiture. Il s'agit du deuxième meurtre par balle en moins de 24 heures dans le département. Le Quai d'Orsay exprime sa vive préoccupation sur la situation au Gabon et appelle les partis à la plus grande retenue. Des violences ont éclaté cette nuit à Libreville après la réélection contestée d'Ali Bongo. Le QG de son opposant a été pris d'assaut et bombardé par les forces de sécurité. Deux personnes sont mortes, affirme Jean Pigne. Une rentrée scolaire pas comme les autres pour 12 millions d'élèves. Elle est placée sous le signe de la sécurité face aux risques terroristes. Bernard Cazeneuve a voulu rassurer hier. Il n'y a pas de menace explicite sur les établissements scolaires, mais une menace générale sur la France, a dit le ministre de l'Intérieur. Après une visite au Mexique, Donald Trump était en meeting à Phoenix. Meeting pour détailler son programme sur l'immigration clandestine. Le candidat à la Maison-Blanche a rappelé sa volonté de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Un mur payé, dit-il, par le Mexique. Le milliardaire exclut également toute régularisation des clandestins s'il est élu président. France Info vous donne rendez-vous ce soir, c'est à 20h. C'est pour le lancement, bien sûr, de sa chaîne télé sur le canal 27. Première chaîne publique d'information en continu. Une création signée Radio France, France Télévisions, France 24 et l'INA. L'événement est à vivre sur Réunion Première. L'éclipse annulaire, c'est prévu pour 14h08. On va tout vous expliquer. Restez bien avec nous, un coup d'œil sur la météo. Ce temps est nuageux sur les pentes du nord-ouest et sur le littoral. Je parle sous le regard, donc très avisé, de notre spécialiste en météo. C'est Jimmy Dorseuil qui m'accompagne ici pour cette émission spéciale. En revanche, les régions du sud, Jimmy Dorseuil, du sud-ouest, du nord-est, eh bien, il fera beau. Il fera beau toute l'après-midi. Voilà, donc pour nous, il fera beau. Donc c'est vrai qu'il y a des nuages qui vont apparaître dans les hauts à plus de 400 mètres d'altitude, où on va retrouver peut-être des nuages, une couverture nuageuse à plus de 80%. Donc il faudra donc peut-être descendre un petit peu plus bas. Mais

Willy de Saint-Pierre, qui a composé le 02 62 99 2000. Il est avec nous. Bonjour Willy. Oui, bonjour. Allô. Merci d'être là. Oui, Willy, vous nous entendez? Oui, un peu faible, mais j'entends. C'est un peu faible. On va forcer ouais, le bouton. On va tourner un peu plus fort le bouton. Oui, allez-y, ouais. Willy. En fait, c'est justement pour une petite précision concernant l'équipe, cela. Parce que là, il est dans les médias, apparemment, même les d'origine indienne, en fait, pratique l'hindouisme. Et apparemment, il y a des représentants du culte hindou qui ont dit qu'on ne pouvait pas regarder l'équipe, parce que c'était néfaste, en fait, regarder l'équipe. Moi, Yama a rencontré des gens et tu vois, ben, je ne regarderai pas parce que l'équipe néfaste. Mais bon, parce que pour enlever le texte dans son contexte, le texte il date de 5000 ans. Il n'y avait pas de dinette en fait. Hein. Donc c'est pour ça que l'équipe néfaste me pense, parce que si on regarde, ben, on est aveugle. Donc c'est un peu néfaste vraiment. Ben, mais si les gens, si ça l'est et tout, si je veux regarder, si on a des lunettes qu'il faut. Bah, je peux regarder, mais il ne portera pas nous, machin, toi. Ah, pas néfaste pour nous, quoi. On avait entendu dire notamment que dans certains temples, on allait fermer les fenêtres, les portes. Ça, on l'avait entendu, évidemment, dans le journal de Réunion Première. Donc, alors, vous dites que ça ne peut pas empêcher les gens d'origine de communauté tamoule à regarder, c'est ça? Oui, mais après, si on a les lunettes adaptées, je comprends. Parce que c'est normal si on regarde avec les yeux à la une, ben, c'est normal qu'on va dire qu'il y aura des problèmes, il sera néfaste, tu vois. Non, mais là, on avait parlé du temple et non pas des gens. C'est le temple. Voilà, c'est empêcher la lumière, enfin, c'est ça, de pénétrer dans le temple. Mais ça n'empêche pas que les gens peuvent regarder absolument si ces personnes ont des lunettes. Merci Willy, merci beaucoup pour la réaction en direct sur Réunion Première. Gilbert est avec nous. Bonjour Gilbert. Oui, bonjour à vous. Depuis ce matin, j'écoute votre émission et je voulais dire à monsieur tout à l'heure qui disait qu'il a pris les lèvres de la parce que concernant le Marc Sassoudé. Moi, j'ai déjà regardé le soleil avec mon Marc Sassoudé. Je vois une boule ronde, donc je pense qu'il pourra regarder s'il a un bon Marc. Et aussi, les gens qui veulent voir vraiment l'église, un très très très petit film que j'ai vu, c'est le film Apocalypto sur l'église. Donc c'est à voir. Gilbert, on a eu un petit peu de mal à vous entendre. On va vous retrouver parce qu'on a eu à un moment donné une coupure ici à ce village de l'éclipse à l'étang du Gol. Voilà, on a peut-être réparé ça. Oui, Gilbert? Gilbert? Et je vous entends bien. Non, on l'a perdu. Alors, Jimmy Dorseuil, parce que là, c'est vrai que les auditeurs ont la parole, on les entend. C'est vrai que c'est un sujet qui passionne. Alors, on entend parfois de tout, on se permet de dire aussi certaines choses, etc. On pense que... voilà, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de fantasmes aussi autour de l'éclipse annulaire. Voilà, donc, mais en nulle condition, les gens ne regardent pas, donc ils ont tout à fait la possibilité de le regarder, comme tu disais. Donc on a bien dit, donc ce sont les temples et les gens, donc justement, donc il faut qu'ils observent, c'est une fête, et en nulle condition de ne pas vouloir observer, et que bon, il faut le faire. Okay. Carole Lopé, à partir de 12h22, j'ai pris des notes, hein, je sais que à 12h22, c'est la Lune va prendre le premier contact avec le Soleil. Et je regarde Jacques Balade, je regarde tous ceux qui sont présents, tous ces passionnés, tous ces astronomes, tous ces spécialistes, tous ces chasseurs d'éclipses. C'est qu'en clair, à partir de 12h22, je n'ai pas le droit de venir vous taquiner, vous embêter. Vous avez tous les droits, mais par contre, nous ne serons pas disponibles, cher ami. Parce qu'effectivement, ce sera le grand moment. C'est pour ça que nous sommes venus. Mais bien sûr, nous sommes venus aussi pour être avec nos amis de l'île de la Réunion. Et nous allons les rejoindre pour partager cet événement. Et c'est un grand moment. Ça le restera. Ça occupera toute notre après-midi, notre soirée d'en parler. Après, il faudra traiter les photos et éventuellement même participer à des concours photo-astronomie, le PNA par exemple, où on pourra donc se remémorer ce grand moment et ce grand plaisir que l'on aura eu. Jacques Balade, 12h22, c'est le top départ. Bon, si vous venez me déranger comme vous le faites aussi aimablement, merci. Je vais être très ennuyé pour vous chasser. Je vous chasserai pas, mais bon. Je voudrais développer cette question parce qu'elle est importante pour nombre d'entre nous, pour moi en particulier. Venir de métropole, c'est un coût. Et donc, j'aurais bien aimé venir avec tous les jeunes de mon club, et puis avec tous les astronomes amateurs que je connais, avec tous les professeurs qui travaillent comme moi au sein du comité de liaison, enseignants, astronomes, etc., pour partager tous ensemble cet événement. Mais comme c'est loin, eh bien, ça se passe cette fois, comme très souvent, c'est la notion de mission. C'est-à-dire qu'un groupe, en l'occurrence mon association, Galaxie 2001, le comité de liaison enseignants-astronomes, m'ont dit qu'au MAC, à l'observatoire des MAC, ils avaient besoin d'animateurs. J'étais libre, je suis à la retraite, c'est un peu mon métier annexe, si on veut. Donc j'avais, disons, les compétences pour le faire et je suis venu. Mais il faut que je rapporte quelque chose. Enfin, c'est une obligation morale. Il faut que je puisse dire à mes jeunes parce et à que mes collègues... Vous êtes ici en mission. Je suis en mission avec tous les... Sont commandés. Mission modeste, certes, mais je me sens comme celui qui a eu la chance de faire la chose. Et il faut que je ramène à tous ceux qui ne sont pas là des images, des photos de l'éclipse, etc. Alors que ces photos vont paraître à des centaines d'exemplaires faites par des gens bien plus compétents que moi, mais... C'est celle que je rapporterai à ceux qui m'ont fait confiance. C'est pour ça que si vous pouvez ne pas me déranger tout à l'heure, ça sera sympathique. Jean-Claude Machir, parmi le public ici au village de l'Eclipse. Jean-Claude, c'est à vous. Oui, alors je suis avec des élèves du lycée. Geoffroy, mais on est en prépa. Voilà, ils sont en prépa. Alors, j'ai avec moi les délégués de deuxième année et après, nous aurons la déléguée de la première année. Bonjour, alors vos prénoms respectifs, s'il vous plaît. Anne Berard. Terence Chaochit. Alors, expliquez-moi un peu la raison de votre présence ici aujourd'hui. Vous êtes bien sûr là pour l'éclipse, c'est un travail qui va vous servir pour l'école ou alors il y a une autre raison pour laquelle vous êtes là? On avait un professeur de maths qui était très porté sur tout ce qui est astrophysique et tout. Et donc, il nous a motivés pour qu'on vienne observer l'éclipse. Et donc les premières années peuvent aussi en profiter, même si eux, ils n'ont pas eu ce prof de maths là. Alors quelle est la différence entre les deuxièmes et les premières années? Pourquoi vous êtes plus en retrait que les deuxièmes années? On n'est pas en retrait. Je ne me considère pas comme étant en retrait, mais je ne sais pas, ils sont plus grands, donc ils prennent plus les responsabilités, vous voyez. Alors ça va vous servir? Vous allez faire un travail autour de cette éclipse? Oui, notre prof de physique nous a donné des feuilles, des fiches, et vous voyez. Et oui, beaucoup de feuilles. Et je crois qu'on est censé les lire et qu'on est censé répondre à des questions. Je crois, je suis pas sûre. Il y a pas de questions? Bon, il y a pas de questions. Mais on est censé les lire et on est censé pouvoir en parler. Donc voilà. Voilà, motivé donc pour cette éclipse. Pour l'éclipse, oui. Pour répondre aux fiches, c'est autre chose. Voilà, vous l'aurez compris, ils sont tous motivés pour cette éclipse. Deuxième et première année du lycée Geoffroy, c'est bien ça, Saint-Denis? Voilà, donc merci à vous et puis bonne éclipse à vous. Et on se retrouve après pour me donner vos impressions. D'accord. Mais je vais continuer si j'ai encore un petit peu de temps, Claude. Allez-y, Jean-Claude, allez-y, profitez parce que c'est pas tous les jours, mesdames, que nous avons ce genre d'événement. Oui. Vos prénoms respectifs? Richela. Marie-Paul. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous cette éclipse et d'où venez-vous? De Saint-Pierre. Déjà, c'est un super événement pour la Réunion au bout de 100 ans. Quand même, et pour la prochaine dans 100 ans, imaginez-vous, on a la chance de vivre ça parce que je sais pas, je suis sûre de ne pas pouvoir le vivre dans 100 ans, ça c'est clair. Et puis, et puis pour Saint-Louis aussi, pour le sud, voilà, c'est une belle vitrine, c'est une belle vitrine pour la Réunion entière déjà. Ils visitent un petit peu tous les stands et puis voilà, ils ont fait des efforts aussi chacun. Et je te l'ai pas peur? Peur de quoi? Des loups-garous, de... Est-ce que vous connaissez quelques légendes urbaines? Est-ce que vous avez entendu déjà des légendes autour de ça? Pas du tout, non. Pas moi, de peur. Qui ont des problèmes des yeux, oui, dans la famille par exemple. Voilà, il a fallu convaincre certaines de mes soeurs de venir et leur dire de ne pas regarder au moment voulu. Et puis de bien sûr se protéger pendant tout l'action. Et voilà, elles sont venues quand même. Voilà, merci à vous, Richela. Vous le voyez, la peur aussi pour les yeux surtout. Donc portez vos lunettes, il faut les porter absolument si vous souhaitez. Alors je rappelle de nombreux journalistes. Tout à l'heure, nous aurons journaliste belge qui est là, qui veut nous faire un sujet sur l'île de la Réunion et sur l'éclipse. Il y a des journalistes américains. On est venu un peu de partout, de tout le monde, pour voir cette éclipse ici, à l'île de la Réunion. Une belle image pour notre île. Et lorsque je vous dis que le monde entier a les yeux rivés sur ce département, sur ce petit caillou, sur ce petit diamant dans l'océan Indien, sur cette planète Terre, eh bien, c'est vrai, Carole Aubé. Franchement, là où vous allez chasser les éclipses, là où vous allez regarder, observer, en 2013, vous étiez en Australie, il y a la même chose, le même engouement comme ça ? Le même engouement. Le même engouement. Partout, nous voyons des gens venir du monde entier. Nous nous retrouvons sur des endroits improbables pour observer l'éclipse. Et nous sommes dans cette communion de passionnés qui viennent pour le même objectif, qui dialoguent, qui comparent le matériel, qui comparent les impressions, qui comparent les différentes éclipses vues. Et on est tous ensemble et heureux de l'être. Nous partons au standard de Réunion Première. Les auditeurs ont la parole. Gilbert. Bonjour Gilbert. Oui, rebonjour. Rebonjour, c'était moi tout à l'heure et on a été coupé. Rebonjour Gilbert, oui. Alors moi je voulais dire à monsieur tout à l'heure, il voulait savoir par rapport au Max à souder. Moi j'ai déjà regardé le soleil avec mon Max à souder, donc on voit très bien. Je ne sais pas si on va voir l'éclipse, mais le soleil en tous les cas, ça ne va pas nous abîmer les yeux. Et après je voulais dire aussi aux gens, il y a un très très beau film à voir que moi j'ai vu, c'est un peu violent, mais c'est le film Apocalypto. Donc sur les Mayas. Ils vénéraient le soleil, Dieu soleil, et ils sacrifiaient les humains pour faire offrande à leur Dieu. Un film à voir. Oui, absolument. C'est un film réalisé par Mel Gibson, oui, en tant que réalisateur, et ça s'appelle Apocalypto. Il est magnifique ce film, et c'est vrai qu'il est. Bon, voilà. Vous avez eu raison d'en parler. Merci Gilbert, merci, on va très bientôt. On y revient forcément, Jacques Balade, hein, sur ces mythes, sur ces légendes. Bon, là, voilà. Ce film, vous l'avez vu ou pas ? Non, je sais pas. Apocalypto, vu. Non. Non, mais j'imagine que il y a certainement des capacités des réalisateurs modernes à rendre l'ambiance qu'il y a pendant une éclipse et qui est effectivement différente. C'est vrai que tant qu'on n'en a pas vu, on peut se dire, on m'a dit, moi, mais enfin, tu vas de l'autre côté de la planète pour aller voir un rond noir devant un rond jaune, mais enfin, franchement, à quoi ça sert ? Alors, en dehors de l'intérêt scientifique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui concerne les astronomes professionnels, et c'est vrai que ça crée une ambiance qui est assez indescriptible, faut l'avoir vécu. Même quand on sait ce qui va se passer, on est surpris, la couleur que l'atmosphère du soleil là, dont on parlait tout à l'heure, qu'on voit juste à cette occasion là est en fait plus chaude que la surface du soleil. La lune nous paraît assez jaune en fait, et la lumière de l'atmosphère du soleil est au contraire bleu verdâtre. Du coup on a tous un peu des têtes de zombies, on voit des étoiles apparaître, les oiseaux se mettent à chanter ou s'arrêtent de chanter. Et ce qui est remarquable dans les 4 ou 5 éclipses que j'ai vues, c'est que parmi ceux qui l'observent, il y a un silence que j'ose pas appeler religieux parce que c'est une autre affaire, mais il y a un grand silence d'étonnement où alors on entend des ah, c'est beau, comme c'est beau et tout, et après il y a une grande tristesse à l'instant où ça s'arrête. Mais ça on veut l'entendre tout à l'heure à 14h08. On va laisser traîner, je pense qu'on l'entend. On va laisser passer le micro de Réunion Première un peu partout dans la foule avec le public. On revient dans quelques minutes ici au village de l'éclipse à l'étang du Gol et on va vous expliquer donc ce qui va se passer à partir de 12h22 jusqu'après donc 14h08. Évidemment, ça c'est le point important, mais qu'est-ce qui va se passer aussi après 14h08? Restez bien avec nous, dans quelques minutes on revient ici en direct. I'm Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's what I do. And the feeling coming from my bones says find a home. Find a home. Find a home, yeah, yeah. Find a home. Come on. Les experts sur Réunion Première, émission spéciale, l'éclipse annulaire depuis le village de l'éclipse à l'étang du Gaule à Saint-Louis. Carole Lopé de l'Association française d'astronomie, Jacques Valade, formateur en astronomie, et Jimmy Dorseuil, animateur à l'Observatoire des Macs. Et Chloé, nous avons du monde au standard de Réunion Première. Nous avons du monde et surtout des SMS au 06 92 70 2000. Jannick de Sainte-Suzanne demande aux experts si on peut prendre des photos de l'éclipse avec son smartphone. Deuxième SMS, quel genre d'écran faut-il utiliser en plus des lunettes? C'est une question de Mali. Voilà pour les deux SMS arrivés au 06 92 70 2000, Claude. Carole Lopé, alors avec le smartphone, alors avec c'est le smartphone, une question qui revient très souvent. Ça. Absolument. Avec le smartphone, il y a possibilité maintenant de prendre des photos. Il faut bien évidemment faire en sorte d'être parfaitement protégé au niveau des yeux. Pour cela, notre ami Michel Vignan a contribué à la rédaction de la... À la rédaction de la plaquette, donc Eclipse La Réunion. Et dessus, il a donné des indications pour un gabarit que l'on peut fixer sur le smartphone pour prendre des photos. Mais là encore, grande prudence, on ne doit pas ajuster l'endroit où on vise avec l'œil nu, toujours être bien protégé. Carole Lopé, le but de l'Association française d'astronomie, j'ai pris quelques notes, c'est de donner au plus grand nombre l'envie et les moyens de pratiquer l'astronomie. Ça résume totalement la mission de notre association. Et c'est pour ça que j'étais très heureuse tout à l'heure en entendant les interventions de vos auditeurs, mais aussi de ces jeunes gens qui sont au site du Gaule et qui nous expliquaient que leur professeur est passionné d'astronomie. Donc voilà des enfants qui ont une grande chance par rapport à ce qui nous passionne, bien sûr. Ces professeurs peuvent trouver des outils pédagogiques sur notre site www.afastronomie.fr. Et pour toutes les personnes qui voudront prolonger ce moment, aller voir, avoir un peu de curiosité pour aller voir ce qui se passe un petit peu dans le monde, dans le domaine de l'astronomie, eh bien, il suffit de consulter le site www.cielespace.fr, qui est celui du magazine édité par l'association. Et toutes les personnes qui souhaitent être informées régulièrement sur de l'astronomie peuvent passer à notre stand pour que nous les abonnions à la newsletter gratuite Ciel et Espace qui leur permettra d'être informés en temps réel de toute l'activité. La revue, elle, traitant plutôt des sujets de fond, ce qu'on ne trouve pas sur Wikipédia, Internet, etc. etc. Jimmy Dorseuil. Et oui, donc grâce à ça, je rebondis. C'est aussi avec Ciel et Espace, on est donc nous à l'Observatoire, donc référent pour la Nuit des Étoiles, qui est là aussi une fête, donc une grande fête au mois d'août, où on accueille plus de 1000 personnes donc pour fêter les étoiles. étoiles avec, ciel, donc avec l'Association française d'astronomie. Jacques Balade, ciel mon option, ça vous parle ça? Ah oui, mais c'est une vieille histoire. Alors, racontez-nous l'histoire de ciel mon option. Vous êtes notre expert aujourd'hui. Oui, je suis l'un de nombreux experts. Oui, ciel mon option, c'est une vieille histoire. Alors elle est apparue sur mon CV qui est parvenu jusqu'à La Réunion. Il fut un temps dans les années 80 où pour les élèves de terminale littéraire, il y avait dans le programme de mathématiques du bac la possibilité de choisir une option. Alors cette option, ça pouvait être statistique, probabilité. Je rappelle Jacques Balade, pour ceux qui prennent que vous êtes professeur de mathématiques à la retraite, hein, c'est pour ça. Voilà. Et donc j'avais constaté que nombre de mes collègues mathématiciens auraient bien eu envie d'enseigner l'astronomie à leurs élèves, mais qu'ils n'avaient pas forcément, pas du tout, la formation pour ça. D'autre part, il existe une foule de bons livres ou de revues intéressantes, mais elles ne correspondaient pas strictement au programme scolaire. Donc il aurait fallu qu'ils aillent chercher dans de très nombreux livres la matière pour faire leurs cours. Du coup, j'avais rédigé ce petit livre qui a existé pendant une dizaine d'années à peu près, le temps que l'option a duré. C'était donc ciel, mon option. Alors, il y a un petit jeu de mots parce que les gens de mon âge se souviennent peut-être qu'il y avait une émission à la télé qui allait pas loin, qui s'appelait Ciel mon mardi. Et donc voilà, il y avait un clin d'œil à ciel mon option. Ce qui avait été intéressant, bien au-delà de l'intérêt de ce livre, c'est que je l'avais fait en collaboration avec les élèves de mon club. C'est-à-dire que ce que j'écrivais, je le testais au fur et à mesure avec eux pour voir s'ils comprenaient. Et ils m'avaient fait de nombreuses critiques. Donc en fait, c'était ce qu'ensuite j'ai pratiqué tout le temps, chaque fois que j'ai fait des conférences, là, comme celle que j'ai faite dans le cadre de l'invitation de l'Observatoire des MAC, là, pour arroser un maximum d'écoles sur La Réunion. Entre le premier montage diapo que j'avais fait, que j'ai présenté la première fois et le dernier, je l'ai changé 4 fois parce que je me rendais compte que je répondais mal aux questions que les mômes se posaient. Donc voilà, si elle m'en option. C'est une vieille histoire. Elle date de mon premier voyage à La Réunion. Charles est avec nous au téléphone au 02 62 99 2000. Charles, bonjour. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Allô. Allez-y, Charles, allez-y. Oui, vous m'entendez ? Vous êtes au Piton des Neiges ? Oui, très bien, Charles. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, alors on est au Piton des Neiges. Les conditions sont parfaites. Vous êtes à 3069 mètres. Vous êtes sur le toit de La Réunion. Et de là, voilà, où je suis, je vous vois presque, parce qu'il y a quelques nuages qui vous cachent. Charles, vous êtes sur le toit du monde. Vous êtes en direct sur Réunion Première. Oui, c'est une liaison téléphonique avec le Piton des Neiges. Charles. Oui. Charles, allez-y, dites-nous ce que vous faites là-haut. Ah bah, en fait, on est venu avec des collègues d'avoir une émission, en fait. Et donc, on est venu faire un film time-lapse de l'équipe. Et on fait un test aussi de caméra 360 qui va nous permettre de sortir des films, un film un petit peu original, quoi. D'accord. Donc, à 14h08, Charles, vous serez prêt. Tout le matériel sera OK, c'est bon. Tout est prêt, sera dans la boîte. On est en train de poser les caméras, on est en train on attend en fait en même temps. On est là depuis 6h du matin. Alors, franchement, Jimmy Norseuil, là où il est placé, Charles, il est au Piton des Neiges, il est en direct sur Réunion Première, il est à 3069 mètres, s'il vous plaît. On est d'accord. Il aura plus de chance que nous, franchement, de voir cette beauté, cette éclipse annulaire ou pas. On ne le souhaite pas. De là où Charles il est, au Piton des Neiges, à 3069 mètres, et là où nous sommes au village de l'éclipse, qui aura vraiment le plus de chance de voir cette beauté là tout à l'heure? On souhaite que nous tous, donc, qu'il soit là-haut, donc c'est très bien, mais nous aussi, donc on souhaite voir cet événement. Donc surtout, moi, personnellement, moi, j'ai jamais vu d'éclipse, donc on sera les deux, donc soit à 3000 mètres, et ici, nous, donc près de la mer, donc on souhaite observer aussi. Écoutez, Charles, bravo, oui. Vous êtes monté avec du matériel, ça n'a pas été facile. Non, oui. Effectivement, on est parti hier midi. Et puis hier midi, ils ont attaqué le sentier du Piton des Neiges. Donc vous avez dormi au gîte, c'est ça? Voilà, on a dormi au gîte et ce matin, on est venu pour le lever du soleil. Et là, on attend l'éclipse. Vous attendez l'éclipse, c'est dans un petit peu plus de 2 heures. Merci beaucoup. Nous aurons l'occasion de revenir un petit peu sur cet événement. Je rappelle que vous êtes monté au Piton des Neiges. Vous êtes à 3069 mètres avec du matériel pour donc filmer, prendre des photos de l'éclipse annulaire. Merci Charles. Voilà. Eh bien, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. On vous rappellera. Alors, s'il vous plaît, le moment est venu. Parce que nous allons rendre l'antenne dans 10 minutes. Et puis on se retrouvera tout à l'heure avec l'émission de Philippe Dornier à 12h15, c'est dans l'actu. Et puis on reprendra l'antenne à 13h jusqu'à la fin de l'éclipse annulaire. Qu'est-ce qui va se passer à 12h22? Carole Lopé, Jimmy Dorseuil, Jacques Balade. Alors, on se regarde dans les yeux. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà là, on est prêt à partir. Donc tu vois là, on est prêt à partir. Patientez encore quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, à partir de 12h22, c'est le premier contact. Donc, c'est-à-dire que la Lune va toucher le Soleil. Toucher, donc, c'est juste donc tangentement. Donc ça va, donc les deux corps donc va se toucher, commencer donc l'ombre. Ensuite, à partir le deuxième contact aura lieu à 14h08, donc et le milieu de l'éclipse à 14h10. Donc au moment où donc où ça commence, où l'annulaire, où la Lune sera au centre, donc 14h09, le moment le plus important pour observer. Ça va se poursuivre avec le troisième contact vers 14h12 et ça se terminera vers 15h42, donc fin de l'éclipse. 14h08, la Lune, Jacques Balade, formateur en astronomie, Carole Lopé de l'Association française en astronomie. 14h08, ça va durer que 2 minutes 43 secondes. 2 minutes 43 secondes, Carole Lopé, où la Lune sera face au Soleil. Je dirais c'est magnifique, voilà une éclipse assez longue. Pour 2 minutes. Pour bien sûr, puisque au Kenya récemment nous nous sommes dérangés pour une éclipse qui a duré 27 secondes ou 37 secondes, je n'ai plus exactement en tête, et que en plus elle était magnifiquement protégée par un épais nuage qui ne nous a pas permis de la voir, ce qui ne sera pas le cas à la Réunion. Jacques Balade. Bon alors. Oui, c'est quelques minutes. Les gens viennent du monde entier. Montent au Piton des Neiges à 3069 mètres pour 2 minutes 43 secondes. Voilà. Mais selon le cas, c'est soit. Les gens viennent de Chine. Ils viennent de Chine. Il y a des Chinois qui sont ici en ce moment. Mais en même temps, si on voyait ça tous les 15 jours, ça serait moins intéressant. Alors, on a la chance que la mécanique céleste fasse que l'alignement parfait est relativement rare. Et du coup, ça crée un événement comme celui dont fait bénéficier la Réunion aujourd'hui. Alors le phénomène il dure un peu plus longtemps, c'est-à-dire qu'entre le moment où la Lune commence juste à cacher le Soleil, le premier contact 12h22. Jérémy, à 12h22, c'est drôle parce que si vous regardiez le ciel là maintenant, elle y est la Lune, là, juste à côté du Soleil, sauf qu'on la voit pas parce que le ciel est bleu, mais elle est là, juste à côté, et elle se prépare à l'attaquer. Elle va l'attaquer à 12h22, puis avancer très régulièrement, et le moment le plus spectaculaire, le plus drôle, c'est quand elle va être vraiment juste devant. Voilà. Alors, oui, on a la pression, parce que c'est une question qui vient, là. On commence à avoir les chaises qui nous brûlent. Vous la poser, la pression monte. Il est 11h38. Carole Lopé. Eh bien, effectivement, sans vouloir être incorrect... Vous étiez détendu tout à l'heure. Nous commençons à regarder notre montre en nous disant... pourvu que nous arrivions juste à temps auprès des instruments et auprès des amis pour observer avec eux. La fin de l'éclipse, alors on parle de 15h43, c'est ça, Jimmy Dorseuil? Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'après 14h08, c'est pas fini. Donc c'est vrai que les gens ne vont peut-être plus regarder, mais ça continue encore. Donc c'est vrai, il n'y a plus l'annulaire, mais la Lune va repartir dans l'autre sens et on a encore une bonne heure d'observation jusqu'à 15h42. Donc de 12h... surtout avec ses lunettes. Et nullement, donc aucune observation sans les lunettes. Carole Lopé, Jacques Balade, à quel moment il faudra porter les lunettes et à quel moment il faudra les retirer? Alors, Jacques Balade. C'est très simple, il faut donner une règle. Donnons la règle, s'il vous plaît, sur Réunion Première. Ne jamais quitter les lunettes quand on regarde en direction du soleil. À vrai dire, dès qu'on lève les yeux, dès qu'on regarde le soleil, à vrai dire, c'est vrai tous les jours. Si vous aviez des lunettes hier ou là, maintenant, en ce moment, en direct, quiconque veut regarder le soleil doit mettre les lunettes, même si l'éclipse n'est pas commencée. C'est pas l'éclipse qui est dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est le soleil. Et pourquoi il est dangereux un jour d'éclipse? Parce que les autres jours, vous auriez jamais idée de regarder le soleil, ça a fait mal. Mais un jour d'éclipse, on a envie, on force, on va essayer de passer quand même. Et c'est pour ça que pendant toute la durée de l'éclipse, même pendant la période où l'éclipse est annulaire, là où il reste seulement, je crois, 4% de soleil, c'est encore beaucoup trop pour mes yeux, donc ne jamais enlever les lunettes. Dès qu'on lève les yeux... Vers le soleil. Vers le soleil, s'il vous plaît, c'est important. Carolopé. Jacques a parfaitement résumé l'essentiel. Et j'ajouterai juste un petit point. C'est que si on n'a pas de lunettes éclipse, surtout ne pas essayer de regarder quand même avec des lunettes de soleil. On a l'impression que ça fait moins mal, mais ça reste totalement dangereux. Donc, lunettes éclipse uniquement. Jimmy Durseuil, là aussi c'est un peu la pression qui monte pour l'équipe de l'Observatoire des Macs. Ah oui, parce que nous donc on aura le public à montrer dans les instruments, dans les télescopes. Ils vont pouvoir, nous on a des filtres donc qui vont pouvoir regarder sans aucun problème. Donc et on aura aussi des petites lunettes par projection. Donc la pression monte pour que le public puisse participer et nous avec. Parce que donc à 14h08, nous aussi, donc on veut être là pour suivre ce moment. Carole Opé, donc je rappelle que vous êtes de l'Association française d'astronomie, que vous êtes là avec votre équipe aussi pour superviser un petit peu cet événement, pour admirer cette éclipse annulaire. Je suis surtout bénévole et donc comme tous les membres des gens qui sont membres d'une association, et en fait c'est un travail commun, mais effectivement je suis la représentante. Et bien Jacques Balade, formateur en astronomie. Formateur en astronomie et je fais partie... du fameux comité de liaison enseignants astronomes qui en fait regroupe des gens, si j'ose dire, et en toute modestie, comme moi, au sens où ils sont à la fois professeurs, donc ils ont le contact avec des milliers d'élèves, et puis astronomes amateurs, et donc on aide les enfants à faire de l'astronomie et mes collègues à faire de l'astronomie avec les enfants. Alors le conseil vraiment c'est à partir de 12h22, commencer un petit peu à lever les yeux vers le ciel, c'est ça, Carole Opé? C'est tout à fait ça, parce que nous n'allons pas rester 4 heures les yeux ça, et le cou tordu. Donc l'important, c'est d'avoir conscience des 4 mots pour pouvoir profiter de chacun à sa mesure, comme on le souhaite, et que ça reste un événement et collectif. Mais les impressions, elles sont mélangées et elles restent liées à ces deux éléments. À 14h08, avec vos appareils, vous allez prendre des photos, filmer? Personnellement, je ne prends pas de photos. Il y a tellement d'amis, collègues qui font ça très bien que je suis sûre d'avoir un beau résultat. Jacques Balade. J'ai amené un appareil photo de voyage transportable qui vérifie la condition des 23 kilos des voyages aériens. Et oui, je ramènerai quelques photos pour moi, pour mon groupe, pour les collègues, voilà, parce que ça fait partie des beaux souvenirs, en plus de tous ceux qu'on ramène quand on vient à l'île de la Réunion. Et vous allez, après l'éclipse, après l'événement, vous allez commenter, vous allez vous voir après dans l'après-midi, en soirée, autour d'un verre, vous allez commenter. Qu'est-ce qui va se dire là, pendant quelques secondes? Dites-nous là, qu'est-ce que vous allez raconter? On va raconter ce qui va nous arriver. Tu l'as vu, comment elle était magnifique? Oui. Tu as vu comment c'était beau? C'est et ça, puis nous. Nous, moi, je suis venu donc à la demande de Michel Vignan, de l'Observatoire et de la R, conférence avec des enfants. J'ai eu le plaisir extraordinaire d'expliquer ça. J'ai pas compté entre 1000 et 2000 enfants que tous ça a passionné. Et en fait, je leur ai un peu raconté, mais avec des dessins et des photos, la même chose que je vous raconte ici. Donc, les photos que je vais rapporter, ben, elles enrichissent la suite de mon travail et puis la préparation aussi de le prochain voyage que je vais essayer de monter avec mon club, toujours pour aller en 2017 aux États-Unis pour voir la suivante. Carole Opé, qu'est-ce qui va se raconter dans l'après-midi après l'éclipse, après l'événement? Ben, je pense qu'il va y avoir on va se raconter pas mal d'histoires d'astronomie et d'éclipse. Pour ne pas changer, c'est ça? Complété par des histoires d'amitié. Non, ouais. Jimmy Durseuil de l'Observatoire des Macs. ça sera la même chose. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes nos experts, on va vous retrouver, on va vous laisser travailler tranquillement. Soyez rassurés, on ne viendra pas vous embêter. Merci encore, merci de votre gentillesse. Et puis alors surtout, surtout, on aura l'occasion de revenir sur cet événement, sur ce moment très particulier. Tout à l'heure, à 12h15, avec Philippe Dornier, c'est dans l'actu et ses invités. Et puis nous allons nous retrouver à 13h, jusqu'à la fin de l'éclipse. L'événement est à vivre sur Réunion Première. Merci. Réunion Première, il est 11h50, dans quelques instants, les avis du décès. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soucraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Première. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Nous vous faisons part du décès de Madame Ferrière Nénaz Christiane Marie-Laure. Décès de Madame Ferrière Nénaz Christiane Marie-Laure. Domicilié appartement 6, bâtiment A, résidence Voilier 19, rue Corbeil d'Or à Brapanon. Décédé à l'âge de 78 ans, le convoi partira de la salle franc d'essai bénédictin de Saint-Benoît ce jeudi 1er septembre. Un discours biblique est prévu à la salle franc d'essai à 15h45, l'inhumation au cimetière de Brapanon à 17h. Décès de Madame Rivière, Marie Philomène. Madame Rivière, Marie Philomène, ancienne directrice de l'école Rosalie Javoué à Saint-Paul, dite Sœur Suzy, plus connue sous le nom de Mère Louis, décédée à l'âge de 90 ans. La veillée se tient chez les Sœurs de Cluny, 16 Chemin des Brises à la Montagne. Le convoi partira demain du 16 Chemin des Brises à la Montagne. La bénédiction à 9h demain matin, l'inhumation au cimetière de Sainte-Clotilde. Décès de Monsieur Or Camille. Monsieur Or Camille, retraité de la chambre de commerce de l'aéroport de Gillot, décédé à l'âge de 78 ans. Le convoi partira de son domicile 38 rue Marchande, quartier français de Rive-Sainte-Suzanne à 14h30 cet après-midi. La bénédiction à 15h en l'église de Sainte-Vivienne, quartier français Sainte-Suzanne. L'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Monsieur Huette Benoît Louis. Monsieur Huette Benoît Louis, décédé à l'âge de 80 ans. Le convoi partira de son domicile 1, chemin de la Cayenne, ravine glissante Sainte-Rose à 13h30. La bénédiction en l'église de Sainte-Rose à 14h, l'inhumation au cimetière de Sainte-Rose. Décès de Madame M. Kouroupa Rita Maïdé. Madame M. Kouroupa Rita Maïdé, née Lacousseur, ancienne employée de la mairie de Saint-Denis, décédée à l'âge de 75 ans. Le convoi partira du centre funéraire de la commune Prima. Décès de Monsieur Payette Henri dit Tida Innocent. Monsieur Payette Henri dit Tida Innocent. Décédé à l'âge de 74 ans, le convoi partira de son domicile 35 rue Diorflard, barrage Saline-Léo, à 16h cet après-midi. La bénédiction se fera au domicile à 13h30, l'inhumation au cimetière de la Saline-Léo. Décès de Madame Ragou Marie-Ange Christiane Nébito. Madame Ragou Marie-Ange Christiane Nébito, décédée à l'âge de 90 ans. Le convoi partira demain de la chapelle ardente du Tampon. La bénédiction sera donnée à 10h demain matin à la chapelle du frère Scubillon, le Tampon. L'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Madame Almar Marie-Ange née Lachoumaya. Madame Almar Marie-Ange née Lachoumaya, décédée à l'âge de 92 ans. Le convoi partira de son domicile 25 chemin Olivier Almar, les Avirons. Décès de Madame Ténor, née L'Enclume, Marie-Charline, dite Madame Angelo. Madame Ténor, née L'Enclume, Marie-Charline, dite Madame Angelo. Décédée à l'âge de 77 ans, le convoi partira de la chapelle ardente de Stella à Saint-Leu. Décès de Monsieur Potin, Valère Pierre. Monsieur Potin, Valère Pierre, âgé de 71 ans. La veillée se tient à son domicile 93 chemin Furcy, Montvert-les-Bas. Le convoi mortuaire partira de son domicile cet après-midi à 15h30. La bénédiction en l'église de Grandbois à 16h, l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Gironcelle Marie-Henriette. Madame Gironcelle Marie-Henriette, décédée à l'âge de 75 ans. Le convoi partira de la chapelle ardente du Tampon. Décès de Madame A.I. Ayan Aline, née Shan Yonglin. Madame A.I. Ayan Aline, née Shan Yonglin. Domicilié 16 lotissement Shannam à Saint-Pierre, dite Madame Henri, décédée à l'âge de 83 ans. Le convoi partira demain, vendredi 2 septembre à 15h30, du centre funéraire du sud de Ligne Paradis. La bénédiction sera donnée à 16h en l'église du Bon Pasteur de la Ramine Blanche demain, l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Madame Suzanne Arlette, dite Madame Focquin. Madame Suzanne Arlette, dite Madame Focquin, décédée à l'âge de 82 ans. Le convoi partira de son domicile. La veillée a lieu à son domicile 46 route nationale au baril à Saint-Philippe. Le convoi partira demain de son domicile à 14h15. La bénédiction en l'église de Basse-Vallée à 15h. L'inhumation au cimetière de Saint-Philippe. Réunion première présente aux familles endeuillées. Ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Information pratique, une information qui arrive de l'établissement français du sang de La Réunion et une annulation de la collecte de sang qui était prévue aujourd'hui dans la commune du Tampon. Annulation de cette collecte de sang à la mairie du Tampon ce jour, jeudi 1er septembre, suite aux dispositions prises par la mairie du Tampon pour l'éclipse de ce jour. L'EFS a été donc contraint d'annuler la collecte de sang de ce jour et les horaires de collecte du 8 septembre est maintenu et ces horaires seront modifiés afin de permettre au plus grand nombre de faire ce geste citoyen. Prochaine collecte de sang jeudi 8 septembre donc à Haut Tampon. On vous invite à venir donner votre sang entre 8h et 14h30 à la mairie du Tampon dans la salle des mariages. Et aujourd'hui, vous pouvez donner votre sang à Saint-Benoît au GHER jusqu'à 14h également. Les sites fixes ouverts de 8h à 14h ne sont pas impactés et vous accueillent les donneurs normalement. Très bonne journée à l'écoute de Réunion Première. C'était Simply Red sur Réunion Première Stars. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est midi. Et le journal de la mi-journée vous est présenté par Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Le compte à rebours est lancé. Dans 22 minutes débutera l'éclipse de soleil visible à La Réunion. Notre antenne se met à l'heure de ce phénomène exceptionnel. Nous serons en direct du Gol dans un instant avec Loïs Mussard. Et puis, juste après ce journal, C'est dans l'actu sera aussi consacré en direct de Saint-Louis et consacré à cette éclipse. On en reparle tout à l'heure. Pas facile de trouver des lunettes ce matin pour observer le phénomène sans risquer de s'abîmer les yeux. Plusieurs points de vente sont en rupture de stock. C'est le cas au Chaudron. Nous l'entendrons, vous l'avez compris. Une partie de cette édition sera consacrée à cet événement dans l'île. Mais nous parlerons également des éthylotests obligatoires dans les bus de La Réunion depuis ce matin. Mais le système n'est pas sans faille. Nous l'entendrons. Et puis nous parlerons également de la nouvelle présidence du centre de gestion. Bienvenue sur Réunion Première. H-21 minutes pour le début de cette éclipse. La Lune est vraiment dans les starting blocks pour son rendez-vous avec le Soleil. Le prochain visible depuis La Réunion n'aura lieu qu'en 2200. Antenne spéciale délocalisée de Réunion Première au Gol. On prend tout de suite la direction de Saint-Louis où vous vous trouvez, Loïs Mussard. Comment ça se passe sur place? On sait qu'on attend beaucoup de monde. Alors ici à Saint-Louis, la foule est déjà là, Antoine, au village éclipse de l'étang du Gol. Les visiteurs continuent à affluer, tous ont les yeux rivés vers le ciel, un ciel dégagé, lumineux. L'invité de la journée, c'est le vent, beaucoup de vent. Alors la bonne nouvelle, c'est que le vent